Bon, ma fi jaara di lan baaxee benn léeb bi benn tournée présidentielle la woon quoi comme entre George Bush, Nicolas Sarkozy et Abdoulaye Wade xam nga ñu def seen tournée mondiale xam nga en avion gars yi wër ba pare nag xam nga war leen wàccee nag ku nekk seen dëkk. Bon, jékki-jékki George Bush génne loox bi si benn hublot bi. Bon, là je suis dans mon pays, hein. Je peux descendre ici. Mais vous savez, parce que je viens de toucher la statue de la liberté. Ah d'accord, donc descend. Voici quoi. Avion bi daw di daw di daw di daw di daw. Nicolas Sarkozy génne loxo bi. Jéggi ne là je suis à Paris. Mais non xamé. Bon, je viens de toucher la tour Eiffel. Ah bon d'accord, descend. Le savoir nak Abdoulaye Wade le président de tous les Sénégalais Abdoulaye Wade jékki-jékki rek génne loxo bi tàcc tëkk une minute deux minutes yooyu rek jékki-jékki rek xaw tëkk yoon là je suis à au Sénégal plus particulièrement à Colobane. Ñu ne ko mais comment tu sais ça? Mu ne parce que je viens de me faire chiper ma montre. Mais Colobane mauvaise réputation.